swa mshita Patal flane, matfion gita Monyo fin fem kouri Tombe nan lo, manke peri Tout rat sou mwen mouye Mwen retire l pou mpaneye Lem fè sa pou mboule Men notre dam fem tou nan mire Lem fè sa pou mboule Men notre dam fem tou nan mire Levé samedi matin, pour mettre yo, rate moi plavé. Moi chita son perron, on y dit, moi mettre ma ronde. Le fait sa pour me sortir, la pluie barré, moi passe sa sortie. Le fait sa pour me sortir, la pluie barré, moi passe sa sortie. Elle m'a calculé. Mwen pa sa mache, de pie mwen vetri, bagay la domine, tel mwen kalkule. Mwen pa sa mache, de pie mwen vetri, bagay la domine. Mwen pa vle soti, mwen pa kale, de pie mwen vetri, bagay la Sa mache, de pied m'en pétri, bagay la domine, elle m'en calculé. Mouen pas sa mache, de pied m'en pétri, bagay la domine. Mouen table sorti, mouen pas calé, de pied m'en pétri, bagay la domine. Sa mache, de pie m'en pétri, bagay la domine, tel m'en calculé. Mouen pa sa mache, de pie m'en pétri, bagay la domine. Toute la nuit, pas ça dormi. M'pas ça dormi toute la nuit. Ou gen doit regarder dans juste la ville. Ou tant de ma plainte. Toute la nuit. Ça tue maintenant. Il mette mon cadavre toute la nuit. Il mette mon cadavre. Mon cadavre tout le temps. Toute la nuit, mon cadavre. Mon cadavre. Mais pas qu'à qui vive, c'est. C'est que. L'a gardé, moi. M'a gardé tout. Et puis, quand l'autre bagarre, il va encore, oui. L'a provoqué, moi. Li souri ba mwen. Mwen men mwen riba li nan moustache. Baka yo pata yon vle kwe. Yo fe pe manan toui. Ebe te ti kokade rouge. Ti kokade noua. Ti kokade blan. Ti kokade violine. Ay ay ay. Yo nom ki jen gason. O pa fe re sa. Faut toujours contre clinique laboratoire. Ha. Et c'est ça qui me sauve. C'est ça qui sauve. C'est bon Dieu fait des cliniques qui relaient. Paradis des deux mots. C'est ça qui me sauve moi. C'est ça qui sauve. L'aime tout ça. Hey. Mais gros sel. Mais la gel. Même pour ça avec sa boca mon dégagne. Les produits 8 tranches. Suivant coup de couteau. La porte grande. Hein, oui. Par elle a dominé. Il faut dominer, oui. Ça marche, le pied m'embêté, bagaille la dominé, tellement calculé, moi pas ça marche, le pied m'embêté, bagaille la dominé, pas ça marche, pas ça courir, pas ça sortir, pas ça camper, ma vie allait, pas ça aller, bagaille la dominé. Tellement calculé, moi pas ça marché, de pied m'embêté, bagaille la dominé. Tellement calculé, moi pas ça marché, de pied m'embêté, bagaille la dominé. Tellement calculé, moi pas ça marché, de pied m'embêté. Yeah.